Allez, viens avec moi pour aller là où tu voudras, pour t'accompagner dans de nouveaux périples, pour ainsi que tes envies soient multiples, de découvrir ton être, sache que tu peux te confier pour t'offrir l'un de mes vœux, de te combler de joie sans peine si tu le veux. Seul toi peux décider de tes envies, à toi de voir l'infiniment grand, pour entrevoir en format grand écran, de pouvoir te connaître ainsi, d'avoir cette chance à nous deux réunis. Promène-toi dans mes contrées pour te libérer de ton être, et tu verras, qui sait, peut-être savoir y croire pour y voir, ainsi tes rêves vont se réaliser. Promène-toi dans mes contrées pour te libérer de ton être, et tu verras, qui sait, peut-être savoir y croire pour y voir, ainsi tes rêves vont se réaliser.